L'autre homme à l'homme qui n'était pas nous senti chez au cafan. L'autre besoin un coup de main, et l'a même, fait me aller ailleurs. Au cas senti l'amitié, où tu l'es, c'est pas les autres trouver. Tout sentiment, toute passion, toute logique, c'était à sens unique. Assez fait, vent souffle mauvais côté. Gâtez ça qui en pied avant d'aller. Recherchez moi bousculer la vie moi, cracher à la mémoire. Malgré tout ça moi peux pas regretter. J'y me manquerai de bas. L'amitié à sens unique. Je te donne ceci, tu me prends cela ou trouver ça logique. L'amitié à sens unique. Ma capote moi ou dans la vie moi qui ça voulait. Je te donne ceci, tu me prends cela ou trouver sa logique.